Chapitre 19e, les murènes. Le vivier se trouvait dans le noir. C'est surtout la nuit, en effet, que les murènes chassent et mangent le mieux. Ayamaki ne pouvait donc se rendre compte des êtres. À tout hasard, il étendit les mains. Il ne rencontra pas les parois du vivier, mais il toucha le plafond. Et, bonheur inattendu, ce plafond formé de poutrelles permettait de passer les mains, de se suspendre par les bras, de sortir enfin de l'eau dans laquelle nageaient les horribles animaux. Ayamaki se crut sauvé. Il s'accrocha des mains et se hissa hors de l'eau. Sous lui, il entendait le glissement humide et soyeux des murènes surprises qui, alléchées et déçues, recherchaient maintenant leur proie qui, au hasard, donnait de furieux coups de dents dans l'eau. Mais ces poutres, tout en ayant l'air de poutres de salut, n'étaient qu'un raffinement dans le supplice chinois. En effet, un moment allait fatalement venir où, malgré toute sa volonté, l'homme qui se croyait ainsi sauvé n'aurait pas la force de se tenir plus longtemps suspendu. Il devrait lâcher. Il tomberait alors. En croyant se sauver, il aurait simplement augmenté son tourment et fait durer son supplice. Ayamaki le comprit tout de suite, et après la première minute de joie, d'espérance, il dit « Ma chère Tsuru, adieu, adieu mon cher Sessu. » Car en bon japonais, pas une seconde il ne pensa à la douleur physique, à son supplice à lui, il ne vit que la peine de sa femme, la perte de son enfant. Mais suspendu au plafond, et si l'on me permet de dire ainsi, accroché au-dessus de son tombeau vivant qui le guettait, il pense en même temps. « Je vais mourir, mais il reste à Tsuru, à Sessu, celui pour qui je meurs, pour l'imbroquet. Il reste aussi Miss Hidden, la divine femme rousse. Je suis tranquille pour eux. » Et sans plus de frayeur, il attendit alors le moment où, après avoir lutté autant qu'il lui serait humainement possible, il serait forcé de se laisser tomber et de mourir. Y pensant au bungalow blanc, il eut le courage de sourire à ceux qu'il ne verrait plus. Et cela était admirable, c'était bien japonais. Cependant, Ayamaki n'était pas homme à se contenter de ce demi-sauvetage. Il voulait tenter plus encore. Il n'était pas au demeurant acrobate pour rien. Se tenant donc par les mains à la poutrelle, il leva les pieds, les approcha de ses mains et chercha, tâta le plafond. Il lui semblait que sous la simple poussée de ses pieds, le plafond cédait un peu. Il insista encore, appuya avec cette douceur et cette force que les races jaunes partagent avec les chats, les fauves, et le plafond céda davantage. Ayamaki put glisser un pied entre le plafond et la poutrelle qui le soutenait. Mais il arrêta là pour le moment son effort. Il craignait un piège. La prudence lui commandait de ne pas aller plus loin. Il connaissait trop les Chinois pour ne pas savoir qu'ils avaient dû prendre toutes les précautions nécessaires afin d'empêcher la fuite du malheureux tombé dans le vivier aux murènes. Il savait aussi qu'une de leurs joies dans le supplice qu'ils faisaient subir était de permettre aux prisonniers de croire qu'ils touchaient à la liberté et à la dernière minute, quand l'espérance de fuite semblait devenir certitude, de le pousser d'un coup au point d'où il était parti. Avec la prudence d'un homme courageux certes, mais non nerveux, et surtout avisé, Ayamaki se disait que malgré cette horrible perspective de sa fuite manquée, il devait au sien, à Tsuru, sa branche de glycine, à son cher Sessu, de tenter au moins la chance qui semblait s'offrir à lui. Il pensait également, lui qui dans les cirques avait vécu avec les blancs, qu'il le fallait ici se débarrasser du fatalisme inhérent aux races de couleur. Il se peut, se dit-il, que ce vivier soit beaucoup moins gardé que je ne le crains, et qu'aucun piège ne se trouve sous ce plafond mobile et facilement maniable. En effet, un Chinois tombant ici et connaissant le sort que lui réservent ces animaux se résignerait. Non seulement il ne chercherait pas à se défendre, mais il exciterait les murènes pour qu'elles le dévorassent tout de suite et que son supplice fût plus vite fini. C'était un peu le raisonnement des marins qui ne veulent pas apprendre à nager pour qu'en cas de naufrage en pleine mer, ils ne soient pas tentés de lutter contre le destin, de se défendre longtemps avant de couler. Raison pour laquelle des matelots, rentrant un peu gris à bord, tombent et se noient à quelques mètres de la terre. Ayamaki, lui, était japonais, et bien affranchi de ce fatalisme stupide. Une chance de salut s'offrait à lui, il allait la courir. S'il périssait en atteignant le but, du moins aurait-il tout fait pour éviter son deuil à Tsuru et ne pas rendre son fils Sessu orphelin. Le plafond qui formait ce plancher, le couvercle étendu sur le vivier, n'était composé que de bambous enlacés formant comme un dessus de panier. Ce couvercle reposait sur deux poutres en X. Hayamaki, à la force du poignet, était parvenu à se glisser sur l'une d'elles. Il se trouvait maintenant à cheval sous la poutrelle, gardant toujours le couvercle de bambou sur son dos. Mais laquelle des deux poutrelles Hayamaki devait-il maintenant suivre? Nouveau et angoissant problème, quelle était celle qui le conduirait à la bonne issue? Hayamaki, bien qu'il eût, malgré son accident aux yeux, une vue excellente, ne voyait rien en ce moment. Il ne savait même pas où il se trouvait, dans quoi, bassin ou puits. Il faisait nuit noire. Cependant, par moments, des bruits lui arrivaient qui indiquaient une rue toute proche. Il entendait les cris des marchands, les musiques des maisons de thé. C'est du côté d'où lui venaient ces bruits qu'il se dirigea. Il continua donc à se glisser sur la poutrelle, allant de ce côté. Sur son dos, au fur et à mesure qu'il avançait, il faisait glisser la clé de bambou. Enfin, il atteignit l'extrémité de la poutrelle. Elle reposait sur un rebord de pierre assez large pour qu'un homme puisse y tenir debout et y marcher. Hayamaki se dit que ce devait être le bord sur lequel se plaçaient les pêcheurs qui venaient prendre les murènes. Il se tint là, pendant un assez long moment, immobile, attendant, écoutant. Une nouvelle crainte l'étreignit, celle de voir tout à coup jaillir un ray de lumière électrique quand il apparaîtrait lui, clair sur ce fond noir, en sortant de dessous la clé de bambou. De voir la figure grimaçante, railleuse de ses bourreaux et d'un coup de bâton d'être replongé dans le vivier d'épouvante. Tout doucement encore, comme un grain de riz qui pousse, selon le proverbe chinois, il souleva la clé de bambou, sortit la tête et enfin put regarder autour de lui. Personne n'apparut. Hayamaki respira, sourit. « Allons !» se dit-il. « Les Chinois ont cru que comme un Chinois j'accepterais mon destin, mais je suis japonais. » Et au Japon, on dit que quand même un Jap n'aurait qu'un cheveu pour sortir du puits où il est tombé, il doit essayer de monter en s'aidant de ce cheveu. Il n'y avait personne. Non seulement Hayamaki ne vit âme qui vive, mais il n'entendit aucun souffle, aucune respiration de poitrine humaine. Il ne percevait autour de lui, sous lui, que le glissement des murènes dans l'eau et le choc sinistre de leurs mâchoires affamées, furieuses de mordre le vide. Mais il percevait très distinctement les bruits de la rue plus proche encore qu'il ne le supposait. À travers les rainures d'une cloison de bois, sans doute vieille et disjointe, il vit filtrer les raies de lumière du voisinage, les globes des magasins, les lanternes des maisons de thé. Il marcha quatre pattes sur le rebord du vivier, lentement, ne posant sur le sol les mains ou les pieds qu'après s'être assuré qu'il n'y avait ni tremblement, ni pierre, ni pointe encastrée, aucun piège. Il atteignit ainsi la palissade. Était celle par laquelle il était bien malgré lui entré ici, il ne pouvait le deviner encore, mais il savait, il voyait que cette palissade donnait sur une rue, et cela seulement l'intéressait. Tout d'abord il tâta la palissade, appuya dessus, la poussa. La palissade joua, céda, promit de s'ouvrir. Mais en cédant ainsi, n'allait-elle pas mettre en mouvement une sonnette électrique, un signal quelconque d'alarme? Autre sujet d'anxiété. Hayamaki attendit quelques instants dans une angoisse atroce, car quelques centimètres de bois pourri le séparaient de la liberté, de la vie, du bonheur, et sous ses pieds, à 2 mètres, se trouvait son tombeau vivant. Mais la palissade ne semblait reliée avec aucun signal secret, car personne ne bougea. Alors, plein de courage, Hayamaki commença à chercher à ouvrir la palissade. Il poussa de l'épaule, glissa ses mains dans la fente produite, et il passa la tête. Souple comme un chat, semblant vraiment avoir un corps en caoutchouc, après la tête, il glissa les épaules. Enfin, il fut dehors. Un pied seulement se trouvait encore derrière la palissade. Il n'avait qu'à lever la jambe et il allait sauter dans la rue. Tout à coup, cette jambe fut saisie par des mains puissantes. Hayamaki sentit sur son mollet comme une morsure cruelle, une brûlure. Il ne cria point, héroïque dans la douleur, prêt cette fois à se défendre, à vendre sa vie. Mais comme il se retournait pour faire face à ceux qui le tenaient, sa jambe fut vivement poussée en dehors et la palissade se trouva hermétiquement close. Hayamaki ne chercha pas à voir ce qui se passait là. Il se trouvait dans la rue, libre, en vie. Il n'en demanda pas plus au ciel et se mit à courir éperdument.